Mets le volume au max, j'arrive comme un Mac Fab dans la place, faites-nous la place, 30-30-32 000. Pourquoi ne vois-tu pas qu'on brille? Loin d'être arrogant, je suis persévérant. On veut persévérer moi ici. On grandit, son père, tu sais, c'est vraiment ok. Rappeur d'une autre espèce, je viens de l'espace. Mon rap passe tel un rapace sur son terrain de chasse. MC bouge terrain de chasse. Qui tire les rênes, bien tire la chasse. Je dois tout à mon numéro 7, Fontaine Palace. Ici, les petits grandissent, aux grands, ils prennent la place. Chaque quartier a son degré de délinquance et d'adultère. Qu'importe ici à 13 piges, on est des adultes, frères. À mi-chemin du paradis et l'enfer. En poche, pas un radis et tu crèves de faim. Aujourd'hui tout va mal, Inch'Allah demain tout va bien. C'est l'arrivée du rap français, sans armée, notre mic est chargé. On crache des bastos, poteaux, on est engagé. On s'est invité, on vient tout briser. C'est l'arrivée du rap français, trop lancé. Personne peut nous stopper, tu peux pas tester poteau. On est trop engagé, on s'est invité, on vient tout briser. Peu importe les étapes qu'on a pu passer, nos cœurs froissés se sont repassés. Pour se construire, faut être démoli. Réveille-toi, fini de rester au lit. Grandis, petit, écoute ton frère, écoute ce qu'on dit. Tu veux le million de dollars, baby. Rêve de Yebri, Yebi sur Yebi, Loki sur Loki. Tu bicraves go ou Tushy sur le dos et Tushmi. Et le fardeau d'une récidive, matraque sur les gencives. Mais qu'est-ce qui t'arrive au sol? Baignade dans une mare de sang divine. Faut pas être devin pour savoir ce qui nous arrive. Ouvre les yeux. La drogue sous le carénage, seul tu nages. Plus besoin d'un parrainage. Sur les pavés traîne la rage comme dans nos cages d'escalier. On escalade les paliers pour les mecs sans papier qui ne perdent pas pied. La police est au mot, ils arrêtent pas de nous palper. L'état n'est qu'une tasse, ils n'arrêtent pas de nous pomper. Écoute, oh, j'ai le flow au qu'il faut. J'ai le flow, c'est du P. Trop buté, on ne peut pas nous duper. En bas, ils ont de quoi te buter, dégoûter. Ils troquent la vie sans même la goûter. Bout de merde, vie de chien. Aujourd'hui, tout va mal, Inch'Allah, demain, tout va bien. C'est l'arrivée du rap français, sans armée, chargé. On crache des bastos, poteaux, on est engagé. On s'est invité, on vient tout briser. C'est l'arrivée du rap français, trop lancé. Personne peut nous stopper, tu peux pas tester, poteau. On est trop engagé, on s'est invité, on vient tout briser. Bien. Tout bien, tout brisé, bien, tout va bien, brisé, bien, tout bien, tout brisé, bien, tout va bien, bien, tout va bien, bien, tout va bien, tout va bien.